que j'aimerais partager avec vous, c'est quelques pensées au niveau de la Bible et de la science. Alors, quand on parle de Bible et science, c'est sûr, c'est pas en une heure qu'on va pouvoir traiter toutes les questions, même en une heure et demie ou deux heures. Donc, vous allez être frustrés parce que vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous souhaitez. Et puis, moi, je vais être frustré parce que je ne vais pas pouvoir tout vous dire, tout ça, hein, en un court laps de temps. Donc, on va commencer à juste aborder le sujet et voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde concernant la Bible et la science. Déjà, je vais commencer par citer quelques médias, parce que finalement, cette question de Bible et science, ou ce choc qui nous est annoncé, ou qui nous a été annoncé, on le retrouve relayé par les médias. Et je cite ici le Nouvel Observateur. À plusieurs reprises au cours des siècles, la science a cru qu'elle savait tout, qu'elle avait tout compris de l'univers, de la matière, de l'énergie, de la vie, de l'homme. Et ce qu'elle savait balayait de façon aussi radicale que spectaculaire le message des grandes religions. Et je continue. La suite du texte. Pour éviter les ennuis, chacun se retira en son domaine, les sciences dans la compréhension du vivant, les religions dans le secours au vivant. On a cru comme ça répondre à ces questions ou à ce débat et se dire finalement, voilà, on a trouvé la solution. Laissons la science chercher à comprendre le vivant et laissons les religions secourir les vivants si elles le peuvent. Eh bien, c'est sans compter qu'il y a des questions aujourd'hui que l'on se pose et qui sont extrêmement importantes. Je vous cite la quatrième de couverture d'un livre d'un professeur d'anatomie, professeur émérite d'anatomie à l'Université de Montpellier, le professeur Pierre Rabichon. Donc, sur la quatrième de couverture de son livre « Le programme homme », il est dit « La question des origines de l'homme, de son devenir après la mort, est la seule importante que se posent un jour ou l'autre tous les humains. » Les éléments de réponse aussi entre deux groupes de théories, la biogénèse dirigée ou la biogénèse spontanée. Pour vous expliquer un peu, donc, des questions essentielles qui concernent l'homme, d'où je viens, qui je suis, où vais-je. En gros, c'est ça. Les éléments de réponse concernant l'origine de l'homme, eh bien, Pierre Rabichon nous dit qu'il y a deux groupes de théories. La biogénèse dirigée, c'est-à-dire il y a un programme, il y a une finalité, il y a même éventuellement un acteur, il y a un architecte. Ou alors une biogénèse spontanée, tout est le fruit d'un hasard et d'une nécessité. Ce que l'on observe aujourd'hui, depuis maintenant près de deux siècles, c'est que, en gros, les interprétations scientifiques sont en conflit ouvert avec le message relayé par la Bible. Et là, je tiens à souligner que ce sont les interprétations scientifiques, ce ne sont pas les observations. C'est la façon dont on interprète certains résultats et certaines découvertes. On va le voir ensemble. De plus, ce conflit est amplifié, je pense, par un certain amalgame que l'on fait dans notre société, ou et particulièrement dans notre pays de France, où on profite de l'anti-américanisme présent pour présenter la question de Bible et science sous la forme de « c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis ». Bien, à ceux qui me présentent cette chose sous cette forme-là, moi je leur dis « mais savez-vous que l'un des plus grands scientifiques qui a cru à la fois à la Bible et à la science au XXe siècle, était européen. Le professeur Arthur Ernest Wigglesmith. Il était européen. Et il a écrit beaucoup de livres sur le sujet, et vous pouvez encore aujourd'hui trouver ces livres. Donc, la Bible contre Darwin, ou Bible et Darwin, ou Bible et science, ce choc, ou cette... C'est ce conflit qui est présent, ce n'est pas quelque chose qui nous est exporté des États-Unis. C'est quelque chose qui est présent déjà dans nos pays européens. Mais d'autres médias nous relaient la chose. Hein. Il n'y a pas que le Nouvel Obs. Vous trouvez régulièrement des pages de couverture de magazines ou d'autres qui nous présentent Dieu face à la science, donc où on cherche à poser une opposition. Dieu, la science et l'origine du monde, sur l'origine du monde, scientifique et religieux, s'affrontent, s'entraînent. On nous dit aussi, dans pas mal de magazines aujourd'hui, que ce soit historique, des magazines qui traitent d'histoire, qui traitent plus de vulgarisation scientifique, peut-être que Science et Vie ou d'autres, nous a dit qu'il est temps aujourd'hui de revisiter la Bible, de relire la Bible différemment, et de voir la Bible comme un mythe qu'il faut passer au filtre, au crible de la science d'aujourd'hui. Et donc, dans cet historia, il était écrit « Le mythe à l'épreuve de la recherche ». Avant que la science ne s'en mêle, on croyait que l'homme avait été créé par Dieu. Et même dans l'historia, on arrive au point où on nous dit « Mais l'histoire de Josué, telle qu'elle est écrite dans la Bible, bien ce sont des exploits uniquement sur le papier. » En relayant toutes ces informations, tous ces messages, on arrive finalement à poser la question au niveau sociétal, mais la Bible, est-ce vrai ou faux? Le message de la Bible peut-il être digne de confiance, oui ou non? Et bon nombre de nos contemporains de chercher à dire, mais la Bible, c'est un livre complètement dépassé. Et à chercher à faire en sorte qu'aujourd'hui, dans notre société, dans nos civilisations, on mette la Bible soit sur le plus haut rayonnage de nos bibliothèques, voire même à la poubelle. Par le passé, d'autres ont essayé de faire la même chose. Vous savez, Voltaire disait « Encore un siècle et il n'y aura plus de Bible sur la Terre. » On était au XVIIIe siècle. Eh bien, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Le temps n'a pas donné raison à Voltaire. La Bible existe encore. Et encore l'un des livres les plus lus, les plus vendus, les plus traduits dans ce monde. Un professeur de l'université d'Harvard disait « La Bible n'a plus l'autorité unique qu'elle avait pour l'homme occidental. Elle est devenue un grand monument archaïque en notre sein. La Bible n'a plus la portée et l'autorité existentielle dont elle jouissait autrefois dans la culture occidentale, sauf dans des enclaves rares et isolées, et celles-ci disparaissent rapidement et définitivement. » On nous présente aujourd'hui, via différents messages, que finalement, la Bible est appelée à disparaître. Par le message obsolète qu'elle semble contenir, par le peu de crédibilité qu'elle semble contenir, et donc que bientôt, on va pouvoir s'affranchir complètement, ou même que l'on peut aujourd'hui s'affranchir complètement de la Bible. Alors, Gérard Mermet, c'est un sociologue qui étudie le comportement des Français, disait la chose suivante, en s'affranchissant de la religion grâce à la science, les Français ont cru atteindre un stade supérieur de l'individu. Ils ont d'abord pensé que la science allait fournir des réponses aux grandes questions de l'existence. La science, on a cru pendant longtemps qu'elle allait répondre aux grandes questions de l'existence. Donc justement, ces questions que Pierre Rabichon disait, mais d'où je viens, l'origine de l'homme, de son devenir après la mort, ces grandes questions de l'existence. On arrive même au point à se dire, mais aujourd'hui, avec le degré de savoir scientifique que l'on a, on n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de la Bible, on n'a plus besoin de son message. Et donc, on peut la reléguer au fin fond de nos bibliothèques. D'autres vont même encore un pas plus loin, c'est Richard Dawkins, professeur de vulgarisation des sciences à l'Université d'Oxford, qui nous dit « Mais aujourd'hui, nous sommes trop intelligents pour être religieux. » Aujourd'hui, avec le degré de savoir que l'on a obtenu, nous sommes trop intelligents pour être religieux. Et donc, croire en Dieu aujourd'hui, c'est réservé finalement à des gens entre guillemets simples. C'est des fois les termes qu'il utilise dans ses interviews. Alors dans notre bon pays de France, on en appelle même à la vigilance. À la vigilance contre ceux qui aujourd'hui auraient encore l'audace de croire en Dieu, de croire la Bible. Et on en appelle à la vigilance contre le néo-créationnisme, qu'ils appellent d'un terme assez péjoratif, néo-créationnisme, et les intrusions spiritualistes en science. Où l'on dit, ah, je ne sais pas le texte, mais en gros, si on pouvait lire, le temps de l'indifférence, voire de la raillerie, est révolu. Nous appelons donc à la vigilance face au retour insidieux du divin dans le travail des sciences, dont la démarche ne peut en aucune manière se satisfaire d'une telle intrusion. Et on a trouvé, il y a quelques années ça, en page très bien placée, dans les grands quotidiens et dans certains magazines. Donc, un appel à la vigilance. L'année dernière, au Conseil de l'Europe, il y a eu aussi là un appel et une résolution qui a été votée, qui concerne directement le message contenu dans la Bible. Pour vous rappeler, le Conseil de l'Europe, il ne faut pas le confondre avec la communauté européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 États membres, et le Conseil de l'Europe va discuter de certains sujets de société et va émettre des résolutions. Des résolutions qui ensuite sont des fois reprises par la communauté européenne pour passer ensuite sous forme de loi dans les différents États membres de la communauté, de la Commission européenne. Donc, l'année dernière, en 2007, il y a eu un rapport de la Commission de la Culture, de la Science et de l'Éducation. C'est, pour ceux qui veulent le retrouver, c'est le document 11297. Vous le retrouvez très facilement sur le site du Conseil de l'Europe. Avec un premier document qui a été écrit, un rapport écrit par le député français Guy Langagne, qui n'avait pas été accepté au printemps, début de l'été 2007, et qui a été repris ensuite à l'automne par Anne Brasseur, une luxembourgeoise, et qui a abouti finalement à une résolution, la résolution 1580, le 4 octobre 2007. La résolution qui dit la chose suivante, qui attire l'attention sur les dangers du créationnisme dans l'éducation, et c'est une résolution en 20 points. Je ne vais pas vous citer les 20 points, mais le deuxième point dit, entre autres, le créationnisme, le fait de croire que Dieu aurait créé le monde, si l'on n'y prend pas garde, peut être une menace pour les droits de l'homme, qui sont au cœur des préoccupations du Conseil de l'Europe. Je ne trouve pas l'explication dans toute cette résolution pourquoi ça pourrait être un danger pour les droits de l'homme. L'évolution, le point numéro 11, l'évolution ne se réduit pas à la seule évolution de l'homme et des populations. Sa négation pourrait avoir de graves conséquences pour le développement de nos sociétés. Donc, nier la biogénèse spontanée, donc ce groupe de théories dont parlait Pierre-Arnoux Bichon, ici on nous dit dans cette résolution 1580, ça pourrait avoir de graves conséquences pour le développement de nos sociétés. Alors, il y a une signification particulière du terme évolution. Il faut savoir ce que l'on met sous évolution, parce qu'on nous présente souvent, ou on vous présente souvent, dès votre plus jeune âge, la théorie de l'évolution. Nous disant, on sait que c'est une théorie, c'est même devenu plus qu'une théorie, on nous dit c'est un fait. Alors, quand on regarde dans la résolution, on a quelques idées ou quelques pistes sur ce qu'il semblerait appeler évolution. Et on a le droit de se poser des questions. Du médecin qui, par abus de prescription d'antibiotiques, favorise l'apparition de bactéries résistantes, à l'agriculteur qui utilise inconsidérément des pesticides entraînant ainsi la mutation d'insectes sur lesquels les produits utilisés n'ont plus d'effet, l'évolution est partout présente. Alors, ici, il s'agit bien de différencier. On nous parle de petites modifications à l'intérieur de populations bien établies, ici en l'occurrence des micro-organismes et puis des insectes, et on nous dit, ah bien, si on observe aujourd'hui des petites modifications à l'intérieur de certaines populations, c'est de l'évolution, et vous n'allez pas faire la part des choses, que finalement sous ce terme évolution, on colle autre chose qui est de la molécule à l'homme, un processus qui irait et qui transformerait tout à partir de quelques ces petites molécules qui amèneraient des individus bien faits, tels que les êtres humains aujourd'hui, par long processus et long changement au cours du temps. Donc, il y a un petit peu problème dans la définition, confusion dans la définition de ce terme évolution. Un point intéressant à noter, et nous allons parler un peu plus là-dessus, c'est le point numéro 17, où il nous est dit « La science est une irremplaçable école de rigueur intellectuelle. Elle ne prétend pas expliquer le pourquoi des choses, mais cherche à comprendre le comment. » Chose importante, la science est une irremplaçable école de rigueur intellectuelle. Donc il faut, pour la science, une rigueur, et il y a une méthode, donc méthode scientifique, que je vais partager avec vous très rapidement tout à l'heure. Et le premier point de cette résolution parlait et commençait par écrire « L'objectif de la présente résolution n'est pas de mettre en doute ou de combattre une croyance. Le droit à la liberté de croyance ne le permet pas. Le but est de mettre en garde contre certaines tendances à vouloir faire passer une croyance comme science. Il faut séparer la croyance de la science. Il faut séparer la croyance de la science. » Et on va même un pas plus loin dans les médias. On nous dit « Donc séparons croyance et science. » Et on nous dit, mais si vous croyez à l'évolution, ou si vous êtes adepte de la théorie de l'évolution, alors là, vraiment, vous faites de la science. Et par contre, si vous croyez qu'il y a un architecte, un acteur, un auteur à tout ce monde qui nous entoure, alors là, c'est plus du tout de la science, mais c'est de la religion, c'est de la croyance. Et surtout, il y a un mur inséparable, infranchissable entre les deux. Beaucoup de nos contemporains sont d'ailleurs d'accord pour essayer de séparer croyance et science. Science et religion, Claude Allègre disait, plus elles sont séparées, mieux cela vaut pour les uns comme pour les autres. Alors, il y a quand même des choses assez étonnantes aujourd'hui, c'est que certains médias de s'interroger et de se poser la question, mais finalement, pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, avec le degré de connaissance que l'on a, avec tout le savoir qu'on a accumulé au cours des siècles, pourquoi aujourd'hui des scientifiques apparemment sérieux cherchent Dieu dans l'univers, dans le cerveau ou dans les gènes? C'est un raccourci, là je citais la phrase du Nouvel Observateur. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des chercheurs, il y a encore des scientifiques qui croient en Dieu? Et qui, sur la base de leurs recherches, ont de bonnes raisons de croire que Dieu existe. Le Nouvel Observateur se posait cette question. Il se posait également la deuxième question. Mais pourquoi, aujourd'hui, commence-t-on à douter de la recherche? Pourquoi certains de nos contemporains doutent de la recherche? Et de rappeler que, finalement, aujourd'hui, eh bien, notre monde rappelle furieusement les siècles passés, où, finalement, pendant des décennies et des décennies, il y a eu combat, il y a eu opposition, il y a eu conflit ouvert entre Bible et les premiers scientifiques de leur époque. Il y a quand même une chose très importante que je soulignerai là, c'est, on a lu tout à l'heure la phrase de Voltaire, comme quoi, pour lui, la Bible allait disparaître. C'est vrai que c'était fort opposant à la Bible. Pourtant, il disait des choses relativement intéressantes, Voltaire. Je pense que Voltaire, aujourd'hui, n'aurait jamais lancé cet appel à la vigilance qu'on a lu dans le Nouvel Obs. Pourquoi? Eh bien, il avait un débat qui l'opposait à l'abbé Le Riche, et on lui attribue une phrase « Je ne suis pas d'accord avec un mot de ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour votre droit de le dire. » La liberté d'expression. Alors, quand je recherchais ensuite à trouver exactement d'où provenait cette citation de Voltaire, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et certains le disent, c'est peut-être pas de Voltaire, etc. Toujours est-il que Voltaire, dans Question sur les miracles, disait que le droit de dire, d'imprimer ce que nous pensons, est le droit de tout homme libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus occulte. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans notre civilisation à un point où certaines personnes n'ont plus le droit d'exprimer ce qu'elles pensent. Clairement, si je vous résume, aujourd'hui, en tant que chercheur, scientifique, ne dites pas que vous croyez en Dieu. Ça ne fait pas partie de la doctrine et de la ligne droite et pure qu'il faut suivre. Je peux le dire par expérience parce que je le vis assez régulièrement. Ça ne m'empêche pas de faire de la recherche encore aujourd'hui. Et je donne souvent raison à Maurice Allais, prix Nobel d'économie, qui, dans un article déjà ancien du Figaro, disait « Mais on ne constate que trop souvent aujourd'hui une espèce de totalitarisme dogmatique et intolérable chez certains tenants des théories dominantes. Ces théories sont devenues pour eux des sortes de religions qu'il est interdit de contredire ou même de discuter. » Pour moi, aujourd'hui, il n'est pas question de dire « Mais tout ce qu'on vous enseigne à l'école est faux. » Non, c'est pas ça. Ce que j'aimerais, ce que plusieurs scientifiques aujourd'hui cherchent à faire au niveau international, c'est de pouvoir discuter. Discuter, comme on le ferait dans toute bonne investigation scientifique. Alors, que fait-on au niveau de la science? Qu'est-ce que la science? Eh bien, la science, on a vu, il faut une rigueur intellectuelle. La science, c'est une connaissance organisée sur des choses. On va organiser certains faits, certaines observations. Ça va être une connaissance vérifiable. On va collecter des faits sur la nature, sur les choses qui nous entourent, et ça va nous permettre d'expliquer. Mais ça va aussi nous permettre de développer un système de pensée basé sur des principes scientifiques. Et donc, on aura une méthode scientifique pour conduire les investigations. On va partir d'observations. On va mener des recherches. Ces recherches, ces observations vont nous permettre d'émettre des hypothèses. Tiens, si je fais ça, il y a ça qui se passe. Sur la base de ces hypothèses, je fais une prédiction et je vais mener une expérience. Alors là, il y a deux solutions. Oui ou non. Mon expérience valide donc me montre que j'avais bien prédit. Dans ce cas-là, j'accepte mon hypothèse. Ou alors, elle ne valide pas et auquel cas je repasse par un cycle d'observation, recherche, hypothèse, prédiction. Si j'arrive à valider, je vais pouvoir conclure. Je vais conclure et ensuite, je vais même le faire savoir. En tant que bon scientifique, on va être appelé à publier, à diffuser les résultats avec aussi la façon dont on procède. Comment sommes-nous arrivés à ce résultat? Pour que d'autres puissent le répéter. Si d'autres ne peuvent pas le répéter, alors on va remettre en cause la façon dont on a travaillé. Donc ça, c'est la méthode scientifique. Donc, en matière de science, on travaille comme ceci. Mais la science aujourd'hui est devenue beaucoup plus que une méthode d'investigation basée sur la méthode scientifique. La science est devenue aujourd'hui dominatrice. On est au siècle du scientifiquement correct. Un scientifique n'est pas toujours compris. C'est vrai, quand vous entendez des fois dans les médias, à la télévision, quand ils vous racontent certaines découvertes, c'est pas sur l'infiniment petit ou l'infiniment grand, ils utilisent des termes, c'est des fois du charabia ou du chinois. Il n'est pas toujours compris, mais on le croit. Pourquoi? Parce que c'est un scientifique. On le croit. Donc, la science est devenue, d'une certaine façon, dominatrice. La science est aussi devenue, enfin une certaine science est devenue, une philosophie naturaliste qui exclut le surnaturel. Et même certains prétendent que la science est matérialiste par définition. Et donc, vous ne pouvez pas croire en Dieu et faire de la science. Alors, on en arrive, c'est pas nouveau ça, on en arrive finalement au message. Alors, ça a des conséquences sociétales importantes si on réfléchit un petit peu, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais vous pouvez vous-même y réfléchir. Si tout n'est que matière, y a-t-il un sens à notre existence aujourd'hui. On en arrive donc au point qui était déjà connu et relevé par Charles Darwin au XIXe siècle. Darwin nous disait, mais le vrai matérialisme fait de Dieu une impossibilité, de la révélation une vue de l'esprit, et de la vie future une absurdité. Donc vous voyez très bien que on entre, si on devient scientifique matérialiste, on entre dans un conflit avec ceux qui peuvent prétendre ou dire que Dieu existe, et qu'il y aurait un architecte à tout ce que l'on voit autour de nous. D'autres même, toujours chez Richard Dawkins, notre volonté d'accepter les affirmations scientifiques en dépit du bon sens est la clé pour comprendre la vraie lutte entre la science et le surnaturel. Nous choisissons le camp de la science malgré l'absurdité de certaines de ses constructions, car nous avons un engagement pour le matérialisme. De plus, ce matérialisme est absolu car nous ne pouvons autoriser un pas divin dans la porte. Là, le message de Richard Dawkins est clair. Pour lui, même si ça ne paraît pas très sensé, il faut quand même prendre le parti du matérialisme, point final, et l'accepter. Et donc rejeter toute autre chose. Nous choisissons le plan de la science malgré l'absurdité de certaines de ses constructions. Même si c'est contraire, et certains des raisonnements de Dawkins se vont dans cette direction, même si c'est contraire à la méthode scientifique, si on n'a pas pu l'observer, le répéter, etc., on va quand même l'accepter parce que, finalement, dès le départ, on choisit un camp. Et Dawkins a choisi son camp. Alors, entre Bible et science, confrontation ou cohabitation, c'est sûr que on peut tirer un premier enseignement, là, c'est que si on part dans un, avec une vue telle que Dawkins, une science naturaliste par excellence, et exclusivement, alors il va être impossible de concilier la science naturaliste et la Bible. Si on exclut d'emblée l'existence de Dieu, alors on ne peut pas concilier ou on ne peut pas aborder Bible et science. Par contre, si on construit sur la méthode scientifique, telle que je l'ai décrite tout à l'heure, il est possible alors de concilier la science méthodologique et la Bible. C'est-à-dire d'utiliser cette méthode pour observer le monde qui nous entoure et comprendre comment il fonctionne. Ça, c'est une première chose. Alors, le problème aujourd'hui que nous avons quand même, c'est qu'en général, la communauté scientifique soutient le concept évolutionniste, c'est-à-dire biogénèse spontanée. Tout par hasard. Le concept d'un Dieu créateur est fortement mis en doute ou simplement ignoré. Et donc, le résultat direct, c'est que la communauté scientifique entre en conflit avec ceux qui acceptent le récit des origines présenté dans la Bible. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le terme évolution, mais je le redis parce que c'est très important. En fait, dans le langage courant aujourd'hui, il a plusieurs sens. Et on fait l'amalgame et c'est ce qui pose problème. Il peut vouloir dire petite modification en taille, en couleur, etc., observée chez les êtres vivants. On observe aujourd'hui des changements. Et d'ailleurs, toute personne travaillant en sélection animale va utiliser ces petites modifications qui existent pour sélectionner des animaux qui vont produire plus de lait, de la viande de meilleure qualité, des animaux plus résistants à certaines maladies, etc. On utilise, mais on ne va pas transformer une vache en super usine à lait avec 6 mamelles, etc. Non. Donc, il y a des limites à ces modifications. Alors que le sens le plus couramment utilisé, c'est la progression des formes de vie des plus simples aux plus complexes. Et ce concept inclut souvent l'origine de la vie et le développement de l'univers. Et donc, en faisant l'amalgame entre les deux choses, ça c'est quelque chose que vous observez aujourd'hui. Et on se dit, mais on extrapole dans le temps, s'il y a beaucoup, des milliards de mots, pourquoi pas? Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a observé dans le temps. On n'est pas remonté au point, aujourd'hui, moins quelques millions d'années, ou quelques centaines de milliers d'années. Donc, il faut être très vigilant. Donc, le problème, c'est justement cette équation de l'évolution qu'on nous présente, rien plus hasard, plus temps, devrait tout nous donner aujourd'hui. Alors qu'au niveau de l'observation, on est incapable de le réaliser. Une chose encore plus, j'allais dire, succulente. Je me rappelle une fois, c'était période de Noël, Nouvel An, il y a quelques années. En vacances quelques jours, j'avais la possibilité de suivre une émission sur les dinosaures présentée par France 5. La planète des dinosaures, ah ben là il y a la date, 29 décembre 2015, vous voyez ? Planète des dinosaures, où il retraçait le voyage d'un dinosaure à travers son époque. Et des scientifiques présentaient ça. Et à un moment donné, j'ai relevé une phrase, mais si j'avais été debout, je serais presque tombé à la renverse. Avec des millions d'années, même l'improbable devient certitude. Voilà ce qu'on nous présentait, voilà ce qu'on vulgarisait dans ces émissions. Et des fois même, on trouve des gens nous dire, mais le temps, c'est le héros. Le temps est capable de faire, entre guillemets, des miracles. Et on nous présente les forces de l'évolution. La nature, avec un grand N, est bien faite. Elle est capable de produire ci, de produire ça. Comme s'il y avait quelqu'un qui manipulait les ficelles derrière. Mais surtout, ah non, Dieu n'existe pas. Non. Mais, avec des millions d'années, même l'improbable devient certitude. Alors, quand j'entends certaines personnes dire ces choses-là, je me pose des questions sur la rigueur scientifique dont on devrait être animé. Alors, on va prendre un tout petit exemple. Puisque tout à l'heure, Pierre Rabichon nous parlait de l'origine de la vie. L'origine de la vie, aucun humain n'a jamais observé l'origine de la première vie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas observer. On ne peut pas remonter le temps. C'est un événement historique unique, pas observable, pas d'expérimentation, pas vérifiable, pas répétable. Jusqu'à maintenant, personne n'a pu répéter, personne n'a pu créer la vie à partir de rien en laboratoire. Or, pour quelqu'un qui croit à la biogénèse spontanée, eh bien, concernant l'origine de la vie, ou concernant même nos origines, on est obligé de, entre guillemets, croire qu'à un moment donné, quelque chose provient de rien, qu'un ordre provient du chaos, que la vie provient, à un moment donné, de la non-vie, et que de nouvelles formes de vie proviennent de formes déjà existantes. Alors ça pose quand même pas mal de problèmes. Si on n'arrive pas à le démontrer, si on se rappelle certains travaux, je vais vous les rappeler tout à l'heure, notamment ceux de Pasteur, le pauvre, il se retournerait peut-être dans sa tombe à entendre la vie provient de la non-vie, encore aujourd'hui. Alors, pour aborder la question de nos origines, ou un petit peu le passé, les choses qui se sont passées il n'y a pas très longtemps ou il y a très longtemps, quels principes scientifiques on pourrait développer ? Moi, je vois une similarité avec ce qui se passe en criminologie, la police scientifique. Vous avez certainement déjà entendu parler. C'est assez incroyable ce qu'ils arrivent de faire de nos jours. Ils remontent un petit peu dans le temps et ils vous déduisent des choses, mais de façon remarquable. Et ce qu'ils appliquent simplement, ils appliquent un principe relativement simple qui est l'actualisme. L'actualisme qui dit que le monde fonctionnait dans le passé, donc au moment du crime, fonctionnait comme il fonctionne aujourd'hui. Et donc le présent, ce qu'ils observent aujourd'hui, c'est la clé pour comprendre le passé, c'est-à-dire ce qui s'est passé au moment du crime. Comme ça qu'ils vont fonctionner. Et c'est comme ça qu'ils vont aller développer avec quelques principes des choses tout à fait intéressantes. Alors, pour moi, l'origine de la vie peut être une question de médecine légale. Ça n'engage que moi. Criminalistique. On pourrait développer des approches criminalistiques. On reconstitue un puzzle, tout comme les détectives ou enquêteurs reconstituent, par exemple, un meurtre. Pourquoi ? Parce que au moment où la police scientifique arrive sur les lieux, ils ne peuvent remonter le temps. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Les événements se sont déroulés, ne peuvent pas répéter le crime plusieurs fois. Ça, bon, il y a des... comment ils appellent ça ? Reconstitution. Voilà. Mais ils ne répètent pas le crime. Mais ils utilisent des principes de science légale pour découvrir ce qui s'est réellement passé, et souvent avec succès. Alors, la police scientifique, elle arrive sur une scène, et elle arrive avec donc cette logique, ce que je connais aujourd'hui sur les différents processus, eh bien, ça a dû se passer au moment du crime, ou c'est valable au moment du crime. Donc, si je trouve des choses dans la pièce qui peuvent attirer mon attention, je vais le faire. Donc, ils vont enquêter sur toute la pièce. Ils vont, par exemple, retrouver une douille de balle. Ils vont se dire, tiens, c'est intéressant. S'il n'y a plus que la douille, c'est une balle a été tirée. On le sait pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, quand je tire un coup avec un pistolet, eh bien, j'obtiens une douille. Okay. La même chose, s'il y a une tache de sang par terre, c'est que quelqu'un a saigné. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout de suite, là, s'il y a une tache, si je veux faire une tache sur le bureau, je peux me faire saigner et ça produira une tache. Et je ne vais pas faire tomber une tache comme ça par imagination. Donc s'il y a une tache, c'est que quelqu'un a saigné. S'il y a des mégots de cigarettes, c'est que quelqu'un a fumé. Et donc comme ça, ils vont développer un raisonnement pour déduire certaines choses. Mais alors, qu'est-ce que ça peut nous dire pour aujourd'hui ? Quand je me trouve devant une chose comme ça, on peut se poser la question, mais aujourd'hui, je ne dis pas dans le passé, aujourd'hui, quel processus produirait une telle chose ? Quel processus produirait une telle chose ? C'est clair ? Je sais. Je peux l'observer même aujourd'hui. On a eu des exemples ces dernières années avec les tsunamis. L'érosion est capable de faire des ravages. Donc, quelque chose comme ceci va provenir d'une érosion. OK ? Maintenant, je vais un pas plus loin et je me pose de nouveau devant ce paysage la même question. Quel processus aujourd'hui peut produire une telle chose ? Et là, la réponse, là aussi, est relativement claire. Vous n'attendez pas qu'un scientifique vous fasse un raisonnement en utilisant les dernières données météorologiques des deux ou trois derniers siècles, en vous disant peut-être qu'avec les vents, etc., c'est le fruit d'une érosion. Là, vous allez me dire, c'est le fruit d'un sculpteur. C'est l'objet d'un sculpteur. D'accord ? Donc là, les choses sont évidentes. Évidentes. Donc, on voit deux causes différentes, une naturelle, l'autre intelligente, qui vont produire deux choses aussi complètement différentes. Et il n'y a pas besoin de réfléchir 105 000 ans. Hein. C'est clair, c'est précis, c'est parlant. C'est très parlant. Alors, maintenant, on pourrait, je ne vais pas le faire, hein, mais on pourrait maintenant partir pendant des heures dans le monde de l'infiniment grand et dans le monde de l'infiniment petit. Je vous ai juste mis ici une photo au microscope électronique de chromosomes. Et simplement pour vous dire, prenez le temps de regarder les merveilles qui sont présentes dans le monde qui nous entoure. Regardez comme c'est fait. Regardez ce que la science, l'industrie aujourd'hui, cherche à faire pour des nouveaux développements, pour améliorer les avions, pour améliorer les voitures, pour améliorer les bateaux. On va regarder ce qui se passe dans la nature, ce qui existe déjà, et on essaye de le copier. Parce que, entre guillemets, la nature est tellement bien faite que ça nous apprend des choses. Au niveau, par exemple, chromosomes. Il y a stockage de l'information. Stockage d'information avec une densité absolument inégalée et inégalable aujourd'hui. Ça fait rêver tous les ingénieurs électroniciens, toutes les boîtes qui développent des disques durs et qui cherchent à produire des disques durs toujours plus petits, ou de la mémoire pour ordinateur toujours plus petit, parce qu'il y a un système de stockage d'informations absolument phénoménal. Et ça, tout le monde le reconnaît. Il y a d'ailleurs cette année, en première S, il y a un élève qui a fait une étude, un TPE. Ils ont des travaux pratiques encadrés, ou comment ça, je ne sais pas. Donc, qui a fait une étude sur la densité, enfin, le stockage d'informations, et en comparant le disque dur, les livres, donc la Bible, ils ont pris comme exemple, c'est les trois étudiants, et puis l'ADN. Et là, ils montrent dans leur TPE combien la densité de, enfin, la densité de stockage d'informations au niveau de l'ADN est beaucoup plus performante que ce que l'on connaît aujourd'hui, même avec les technologies les plus avancées. Ils ont eu d'ailleurs une très bonne note, ce qui était, moi, ce qui m'a plutôt fait plaisir, parce qu'on a interagi un petit peu quelques temps ensemble pour mettre au point ce TPE. Et donc, on voit là quand même que dans la nature, il y a des choses qui sont absolument phénoménales, que l'on cherche à imiter. Et donc, le deuxième enseignement, mais on devrait, pour cela, je vous dis, parcourir l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais vous pouvez le faire, il y a des émissions absolument succulentes, des fois à la télévision, ou des reportages, des revues, des fois dans les journaux, qui nous montrent ça, que la nature est une merveille, une complexité qu'aucune science, si parfaite soit-elle, ne saura jamais décrire. Et donc, c'est comme si on était devant cette falaise, en tout cas pour moi, avec la sculpture des quatre présidents, enfin la tête des quatre présidents des États-Unis, le Mont Rushmore. La nature, quand on la regarde, on se dit, mais c'est phénoménal. La merveilleuse conception de l'univers, du monde, du vivant, nous fait reconnaître qu'il doit y avoir un concepteur, un architecte. Mais, je vais rester honnête, hein, on ne prouvera jamais que Dieu existe avec la méthode scientifique. On ne prouvera jamais que Dieu existe, comme on ne prouvera jamais qu'il n'existe pas. Mais simplement, on est placé devant des évidences qui nous parlent et qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Alors, revenons à l'évolution. Sur l'origine du vivant, parce que c'est bien là, si on ne peut pas expliquer l'origine de la vie au tout début, c'est tout la suite du raisonnement qui ne tient pas debout. Je cite François Jacob, prix Nobel dans les années 60. Un redoutable problème vient en corollaire à la théorie de l'évolution, c'est la question de l'origine du vivant, de l'origine de la vie. Après Pasteur, il n'y a plus de mouches qui naissent de vieux chiffons. Après Darwin, les espèces dérivent les unes des autres. Elles dérivent toutes de un ou d'un très petit nombre d'organismes très simples. D'où la question de comment s'est formé le premier organisme vivant. C'est une question qu'on n'a pas encore répondu aujourd'hui. Comment s'est formé le premier organisme vivant? Quelle origine pour la vie? Alors ça a été une question au cours des siècles. Les philosophes grecs cherchait déjà à répondre à cette question. Quelle origine pour la vie et quelle origine pour l'homme? Alors, Empédocle nous donnait un raisonnement et une explication relativement simple. Il nous disait « Des têtes sans jambes, des jambes sans tête, des bras, des torses se promenaient autrefois à la surface de la terre. Un jour, par hasard, tous les éléments nécessaires à la constitution d'un individu complet se rencontrèrent et ainsi s'auto-organisa le premier homme. » Ne rigolez pas. C'était sérieux du temps d'Empédocle. Il n'aurait même pas aimé qu'on rigole de lui à son époque. Mais réfléchissez un peu au raisonnement. Le raisonnement, c'est de dire on a les différents constituants dans une sorte de soupe primitive et ça s'auto-assemble tout seul. D'accord ? On retient le principe. Ça, c'était Empédocle de son temps. Mais ça nous paraît aujourd'hui mais complètement absurde. Si en tant que scientifique, je cherchais à publier ça aujourd'hui, ou même à dire ça dans une interview à la télé ou dans un journal, ce serait vraiment ridicule. L'origine de la vie. Vous savez, au cours du temps, scientifiquement, on a cherché à aborder, à montrer que la vie pouvait venir de la non-vie. Et on a développé ainsi la méthode scientifique, hein, donc observation, hypothèse, prédiction, expérimentation, conclusion. Et il y avait un médecin flamand, Van Helmont, qui donc, au XVIIe siècle, réalisait des expériences hautement scientifiques pour prouver le bien fondé de la génération spontanée. Et donc, ce médecin, il prenait une chemise souillée de sueur, il prenait des grains de blé, il mettait le tout dans un récipient, et ça, il pouvait le répéter, d'accord ? Il incubait le tout 21 jours dans un grenier ou dans une grange, et il obtenait des souris. Et ça marchait. Scientifiquement, il avait raison. Il utilisait la méthode scientifique pour produire des souris. Ses observations étaient correctes, d'accord ? Ce qu'il observait, ce n'était pas faux. Quand il mettait une chemise souillée de sueur, des grains de blé dans un récipient, il attendait 21 jours, aucune faute dans son raisonnement. Où était le problème ? Le problème vient de la mauvaise interprétation des faits observables, des observations réelles. Il interprétait complètement, à côté de la plaque, ses vraies observations. Rien à redire de ces observations. Donc vous voyez là, c'est pour ça qu'en début d'exposé, je vous ai dit, les interprétations scientifiques posent problème aujourd'hui. Pasteur, ensuite, est venu démontrer que la génération spontanée n'existait pas. Pasteur, croyant, il croyait en Dieu. Ça ne l'empêchait pas de faire de la science, et de faire de la science tellement bonne qu'aujourd'hui encore, on reconnaît ses travaux. Pasteur, le croyant, sans faire intervenir en rien sa foi dans la démonstration, prouve de façon éclatante que la génération spontanée de microbes était une chimère. Et à son époque, déjà, Pasteur disait « Tant pis pour ceux dont les idées philosophiques sont gênées par mes études. » Bien sûr, parce que s'il n'y a pas de génération spontanée, si la vie ne vient que de la vie, ça pose quand même un bigre problème à l'origine de la vie. La génération spontanée est une chimère, chaque fois qu'on y a cru, on a été le jouet d'une erreur. Ça, c'est Pasteur. Mais aujourd'hui encore, c'est valable. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, même si ça reste valable, aujourd'hui, quand on enseigne Pasteur dans certaines facs, on nous dit, oui, la génération spontanée, ça n'existe pas. Mais il y a une exception, l'origine de la vie. Et c'est vrai, hein. Je vous le dis, pour l'avoir vécu, pas moi personnellement, mais avoir connu des étudiantes qui l'ont lu directement de leur professeur. En fac. Donc, on s'interroge quand même sérieusement sur le bien fondé de certaines affirmations aujourd'hui. Alors, quelle origine pour la vie aujourd'hui ? La vie s'est-elle formée par hasard au cours de longues périodes de temps ? Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on pensait trouver une explication sur la Terre, on n'y arrive pas. Alors, que nous ont proposé certaines personnes ? Eh bien, certaines personnes nous disent que la vie doit venir d'une autre planète. Puisqu'on n'arrive pas à expliquer l'origine de la vie sur la Terre, ça doit venir d'ailleurs. Et c'est pour ça que l'on déploie autant de travaux de recherche pour aller expliquer et pour chercher à trouver la vie ailleurs que sur la Terre. Et notamment le prix Nobel, hein, Francis Crick, c'est lui qui a été un étonnant de cette théorie, mais d'autres étaient présents avant lui et d'autres après lui pour dire qu'il faut trouver l'origine de la vie ailleurs, parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Pour évoquer l'origine de la vie, les biologistes doivent déployer toutes les ressources de leur imagination. On a besoin d'être imaginatif si on veut trouver la réponse à l'origine de la vie aujourd'hui. Quand on considère l'origine de la vie, de nouveau une citation, il faut admettre, j'aurais pu le souligner, c'est pas nous savons de façon sûre, il faut admettre qu'en quelques 8 ou 900 millions d'années, des milliers d'événements, chacun fortement improbable, se sont succédés pour permettre le passage d'une terre sans vie à la vie, d'un monde à ARN, puis d'un monde à ADN, je n'entrerai pas dans les détails. De toute évidence, une pareille histoire paraît aux non-initiés aussi difficile à accepter que la création racontée par la Bible. Le secret de l'origine de la vie, ici, si on regarde, ça n'est ouvert qu'à quelques initiés qui peuvent comprendre, finalement, si vous n'êtes pas assez initié, versé dans, entre guillemets, la doctrine de l'époque, eh bien, ça va vous apparaître une histoire aussi difficile à accepter que la création racontée par la Bible. Donc, il vous faudra autant de foi, ou un pas de foi, pour admettre cette chose-là. Que des milliers d'événements, chacun fortement improbable, se sont succédés. Alors on va revenir à Empédocle, parce que tout à l'heure, j'en ai vu beaucoup qui souriaient même, ça allait même vers la moquerie. Le pauvre Empédocle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? En transposant l'image d'Empédocle au niveau moléculaire, l'émergence de la vie sur Terre peut être comparée à l'élaboration spontanée d'un édifice moléculaire à partir de molécules éparses. Par le jeu du hasard, un certain nombre de molécules s'auto-organisèrent et formèrent une structure chimique capable d'assembler d'autres molécules pour générer une deuxième structure à son image, transmettant ainsi le plan de montage. Par suite de légères erreurs de montage, une structure plus apte à se reproduire apparut et devint l'espèce dominante. Je vous ai dit tout à l'heure de retenir le principe, le raisonnement d'Empédocle, d'accord, qu'on trouvait complètement dépassé. L'auto-organisation de bras, de têtes, de jambes, de torses, dans une soupe primordiale, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas se passer comme ça. Or, aujourd'hui, on nous présente exactement le même raisonnement, mais simplement, on va à un degré supérieur de précision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens d'investigation de l'infiniment petit, donc on va pouvoir regarder l'infiniment petit, et on nous dit, bien, des molécules se sont auto-assemblées. Le raisonnement reste exactement le même qu'en Empédocle. Et donc, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi en Empédocle, ce serait du ridicule, alors que ce raisonnement-là, ce serait quelque chose de hautement scientifique. Après des siècles d'investigation, on ne sait pas pourquoi ni comment la vie est apparue sur la Terre. Il en est de même pour l'univers, dont l'apparition reste un mystère. Donc pour les scientifiques encore aujourd'hui, si on est honnête, on doit dire, mais l'origine de la vie, on en sait. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne répond pas à la question. Alors certains de nous dire que l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers où il a émergé par hasard, non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. Et là, je souhaite souligner cette science matérialiste qui veut nous dire mais on est arrivé aujourd'hui à un point où finalement il n'y a que l'homme. L'homme sait qu'il est seul. Il a émergé par hasard. Et donc, si la science répond aujourd'hui à l'origine de l'homme, de la vie, par hasard et nécessité, rien plus hasard plus temps égale tout, alors on nous dit aussi, mais on n'a pas de destin, on n'a pas de devoir. Quel est le sens de la vie ? D'ailleurs, Rémi Chauvin, un autre scientifique, soulignait en 1997, dans un de ses livres, « La science donne du monde une image insupportable et prive la vie de son sens. » Il n'y avait pas la science, toute la science, mais c'est vrai qu'une science, une certaine science aujourd'hui, donne du monde une image insupportable et prive la vie de son sens. Alors, comme troisième enseignement, on pourrait se dire, mais il est temps d'arrêter de travailler de façon conflictuelle. Et de cesser de se demander, mais laquelle des deux est véridique, la science ou la Bible ? Et on devrait plutôt se poser la question, mais quelle vérité puis-je découvrir en considérant à la fois la science et la Bible ? Alors, il ne s'agit pas de voir Dieu ou un architecte comme un Dieu bouche-trou, qui répondrait ou que l'on placerait chaque fois qu'on n'a pas encore obtenu la science ou la connaissance dans certains domaines. Attention. Non. Mais il s'agirait de poser comme hypothèse de départ, Dieu existe, Dieu a créé le monde, Dieu a fait la nature qui nous entoure, on en voit les traces aujourd'hui, et on cherche aujourd'hui par la méthode, avec la méthode scientifique, à bâtir notre savoir, comment tout ce monde fonctionne, à partir de ces éléments de départ. Alors j'aimerais pour terminer vous citer le marathonien de Dieu. Vous connaissez le marathonien de Dieu ? C'est Alain de Gaulle qui citait, parlait d'une personne de la Bible sous ce terme-là, dans l'Express, en 2003, où il l'appelle aussi l'avorton de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul de son temps, donc au moment du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, il arrivait à Athènes, il avait devant lui des évolutionnistes, des épicuriens et des stoïciens. Les épicuriens, ils pensaient que toute chose avait évolué directement de la terre elle-même, ne voyaient aucune finalité dans la nature, et puis les stoïciens étaient des panthéistes. Dieu partout. Donc face à ces gens, donc épicuriens aujourd'hui, c'est un peu la pensée moderne. On voit aussi des gens comme ça. Donc face à ces gens, qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Paul ? Eh bien, l'apôtre Paul, il leur a dit simplement, il leur a cité simplement quelques passages de la Bible. Il leur a dit, mais vous savez, il n'aura pas fait de grands discours, de grandes démonstrations. Il a dit, mais Dieu a fait le monde, tout ce qu'il contient. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Regardez le monde, vous allez vous apercevoir que c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Regardez le monde. C'est par Dieu que nous vivons, que nous nous déplaçons, que nous avons la vie. C'est vrai, quand on regarde ce qu'est la vie ne dépend pas simplement d'un auto-assemblage automatique au cours du temps de quelques molécules qui se sont répliquées et par quelques erreurs de montage auraient donné une machine absolument extraordinaire qui est le corps humain. Non. La vie, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose que l'on n'arrive pas à saisir, à comprendre. Tellement c'est merveilleux. C'est par Dieu que nous vivons. Il y a là, derrière la vie, un architecte qui nous dépasse. Hein. Et on ne va pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais qui nous dépasse. Mais on peut clairement voir, c'est comme devant cette falaise, on peut voir. On peut admirer. Ça n'empêche pas qu'on va vouloir chercher à comprendre comment fonctionnent les choses aujourd'hui. Et on va utiliser la méthode scientifique pour le faire. Le temps passe. On va conclure. Avant que vous vous endormiez. Je ne sais même pas combien de temps j'ai pris, mais ce n'est pas grave. Donc on a vu que l'un des premiers enseignements que l'on pouvait tirer, c'est qu'il faut faire attention aux certains dangers d'une science naturaliste, qui exclut d'emblée la pensée de Dieu. Et donc, on ne peut exclure la pensée de Dieu si l'on veut concilier toutes les sciences. Mais on peut construire un raisonnement tout à fait scientifique sur quelques hypothèses de départ, dont l'une pourrait être Dieu existe. Il y a un architecte. Le deuxième enseignement que l'on a vu, c'est que la nature est vraiment merveilleuse. Une complexité qu'aucune science ne saura jamais décrire, et que face à cette merveille du monde qui nous entoure, eh bien, on reconnaît, on peut se dire, mais il doit y avoir un concepteur, un architecte, un ingénieur. Pour que tant d'ingénieurs, de scientifiques cherchent à répéter de façon bien brouillon ce que la nature fait, possède de façon parfaite, Si tout vient du hasard, alors le hasard fait devenir bien les choses. Vous avez déjà essayé d'obtenir quelque chose par hasard chez vous? Vous avez des Lego. Lancez les Lego en l'air. Répétez l'opération. Répétez-la jusqu'à ce que vous ayez une maison. Bien faite avec quelques fenêtres, quelques tuiles. C'est l'expérimentation. Troisièmement, et je souhaite appeler, c'est que il faudrait cesser de se demander laquelle des deux est vraie, la science ou la Bible, et plutôt se poser la question, mais quelle vérité puis-je découvrir en considérant à la fois science et Bible? La Bible n'est pas un livre scientifique. Ça, c'est sûr. Heureusement. Je dis toujours, je le répète, presque à chaque conférence, la Bible n'est pas un livre scientifique, et heureusement, parce qu'un livre scientifique, au bout d'une dizaine d'années, il est dépassé. C'est fini, un nouveau savoir qui vient balayer ce qu'on pensait déjà. La Bible nous donne des grandes lignes sur l'histoire de notre univers, des bases de départ pour mieux appréhender le fonctionnement du monde vivant, pour mieux nous permettre d'expliquer certaines choses que nous observons, pour mieux nous permettre de comprendre finalement que oui, la Bible est un livre qui vaut la peine d'être lu. La Bible est un livre qui véhicule un message qui vaut la peine aujourd'hui encore d'être parcouru, d'être compris, un message auquel on peut encore se confronter aujourd'hui et se poser la question, est-ce un message pour moi? Est-ce un message pour vous? La Bible est encore un livre aujourd'hui qui a le pouvoir. C'est une expérience que beaucoup de gens ont fait au cours des siècles, qui a encore aujourd'hui le pouvoir de transformer des vies sur la base de son message, tout simple. Et donc, la Bible aujourd'hui, et c'est peut-être là la pierre d'achoppement, c'est, elle dérange aujourd'hui parce qu'elle dit les choses telles qu'elles. Dieu existe, et un jour nous aurons tous des comptes à rendre à ce qu'on a. Mais elle nous donne aussi la solution en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous pouvons avoir une vie nouvelle. Voilà le message que nous donne encore la Bible. Alors, en partant de ces quelques bases, on va avoir une vie transformée, on va avoir un renouvellement de notre intelligence pour connaître les choses qui nous entourent d'une façon bien différente que par une science exclusivement naturaliste, où là, eh bien, l'homme est bien dépourvu, et notre société aujourd'hui est bien dépourvue, devant simplement un hasard et une nécessité, aucun sens à notre avis, ce qui a des conséquences dramatiques dans le monde qui nous entoure. Je vais m'arrêter là, donc juste pour vous dire, la Bible, ça vaut la peine de s'y pencher. Tant de gens ont fait des expériences positives avec la Bible, prenez le temps, lisez la Bible, parcourez-la, étudiez-la. Voyez si ce qu'on vous dit est vrai ou faux. Étudiez, menez des investigations. Et puis regardez aussi ce qui se passe dans le monde du vivant autour de vous. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes devant quelque chose qui ressemble à de l'érosion ou est-ce que vous êtes devant quelque chose qui ressemble à une sculpture? Et ensuite, tirez les bonnes conclusions. Mais tirez-les. Vous ne pouvez pas rester indifférent devant le message de la Bible d'aujourd'hui. Si vous avez observé, si vous avez mené les investigations, tirez les bonnes conclusions. Et vous verrez, ça en vaut la peine. Voilà, merci de votre attention. Et puis, on peut maintenant passer, je pense, à un moment plus ouvert de discussion, de questions, de commentaires, que sais-je encore. Si l'un ou l'autre... On va continuer donc la conférence avec, si vous avez des questions, je vais poser directement à André. Et je vous rappelle que, alors, nous avons fait une série de 3 conférences aujourd'hui. Donc la première va se terminer après vos questions. Et après, il y aura un pique-nique pour ceux qui veulent faire un pique-nique à la plage à Magnan. Et donc, ce soir, ce sera de 17h à 19h, la prochaine conférence sur les dinosaures. Et ça aura lieu dans une salle en bas de la fac. C'est donc la rue Aimé Martin. numéro 10, normalement. Et aussi ce soir, de 20h à 22h, une autre conférence sur une éruption volcanique du Mont Sainte-Hélène. Voilà, et vous êtes tous invités, vous pouvez poser encore plus de questions si vous en avez. Et donc, nous, j'ai représenté le GBU, donc on est une association étudiante. Et donc, ce qu'on fait, c'est justement qu'on ouvre la Bible, parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas vraiment justifiées. Donc, en gros, c'est important de mourir ensemble. Et vous êtes invités à le faire avec nous. On a des petites fiches comme ça, si vous voulez laisser votre contact, pour avoir des informations sur les activités. Et on aime bien ouvrir la Bible et venir sans a priori la lire et vraiment comprendre ce qu'elle dit. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à vos questions. Sentez-vous libre de poser des questions. Enlevez-la et on va essayer de répondre. Oui. Est-ce que votre proposition donc d'examiner les origines de la vie avec en partant d'une hypothèse que Dieu existe, est-ce que cette proposition que vous faites rencontre l'adhésion de vos collègues scientifiques ou pas actuellement? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je vous ai dit que la majorité de la communauté scientifique rejette ce concept de l'existence d'un Dieu. Donc, c'est sûr, la majorité de la communauté scientifique est anti-Dieu. Il ne faut surtout pas croire en Dieu. Maintenant, dans le milieu dans lequel j'effectue mes recherches, il y a extrêmement peu de chercheurs qui croient en Dieu. En France, alors là, encore moins. Mais, de par le monde, on est quand même un groupe de scientifiques qui croyons en Dieu, qui menons des recherches, qui publions des résultats, alors pas sur l'origine de la vie, parce qu'on n'a aucun moyen, enfin, on a très peu. Voilà. Si j'annonce un programme de recherche sur certains sujets sur le passé, je ne serai jamais financé. Hein. Ça, c'est bien le problème. Mais il y a quand même un groupe de scientifiques qui, au niveau mondial, réfléchissent, proposent certaines hypothèses de départ, et alors dans certains pays, ils ont les moyens d'aller plus loin et de mener quelques expérimentations. Mais sur l'origine de la vie, on ne pourra jamais prouver comment s'est fait l'origine de la vie. Donc, si je pars de l'hypothèse, ok, Dieu, au départ, Dieu a créé la vie. Donc moi, je n'ai pas besoin d'expliquer comment de la non-vie on est passé à la vie. Je pars du point de départ, la vie existe. Et la vie, ce n'est pas quelque chose d'uniquement matériel, mais il y a plus derrière la vie. Il y a quelque chose de tout à fait particulier derrière la vie. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on cherche à comprendre comment fonctionne la vie. On va pouvoir travailler à partir d'un point de départ, mais où la vie existe. Ceux qui croient en l'évolution, eux, ils vont chercher à expliquer comment, de la non-vie, on peut passer à la vie. Mais là non plus, ils ne vont pas pouvoir le prouver. Ils essayent de créer la vie en laboratoire. Mais vous avez déjà lu les articles qui décrivent ça? Ils ne le font pas par hasard. Ils mettent toutes les chances de leur côté. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur des dizaines d'années de connaissances et de recherches. Ils essayent de mettre les molécules les plus adéquates dans le mélange, de sortir au cours du temps, au cours de leur expérimentation, celles qui viendraient empoisonner le système, pour ne conserver que les bonnes. Et même, avec ce fort biais, ils n'arrivent quand même pas. Et ils ne partent pas de rien. Ils partent déjà de molécules existantes. Donc, c'est quand même très limité pour l'instant. Mais, clairement... Donc, on rencontre quand même aujourd'hui, et particulièrement en France, une forte opposition quand on dit que, même si on fait, moi vous savez, mes thèmes de recherche aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, ça n'a rien à voir avec l'origine de la vie. Je fais de la génétique animale, mais simplement le fait, même si ça ne vient pas, le fait de croire en Dieu, c'est comme Pasteur à son temps, il menait des travaux, il ne faisait pas intervenir sa foi dans ses travaux. Mais il était fortement croyant, ben, moi aussi. Je suis fortement croyant. Pour développer un test diagnostique pour une anomalie génétique, eh bien, je ne fais pas intervenir Dieu. Je mène des investigations. Je réalise combien la nature, c'est quelque chose qui est merveilleux, Déjà, la thermohypothèse, ce qui est codé au niveau de la molécule ADN, c'est merveilleux. Et là, je me trouve devant une falaise avec le mont Rushmore. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Mais je ne vais pas, je n'utilise pas finalement la notion de Dieu même pour développer mon test. Mais simplement le fait de dire, mais moi je crois en Dieu, je dis la vie. Alors là, on vous détruit, on cherche à vous détruire aujourd'hui. On n'a même pas le droit de s'exprimer librement. Oui. Oui. Oui, ça c'est le contexte français, mais peut-être dans nos pays, par exemple, le judaïsme. Mais la question n'est pas là. Similitude ou contradiction entre le récit de la création biblique et les hypothèses ou certitudes actuelles qu'on a sur l'origine donc, du monde ou sur la création du monde? Quelle similitude? Quelle similitude pour c'est-à-dire en récit biblique et en gros, les hypothèses et en gros, est-ce qu'on pourrait voir que Dieu utilise l'évolution pour faire apparaître ce monde? Non. Est-ce que vous pensez que le récit biblique est fiable, je veux dire, par rapport au récit de la création du monde et de l'homme et... Oui, moi je pense, oui. Et est-ce que vous pouvez détailler votre réponse? Alors, en quoi il est fiable? Par rapport à ce qu'on connaît de l'apparition? Oui. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui au niveau de l'apparition des êtres humains, il y a tous ces arbres qu'on nous présente, en parlant des dinosaures tout à l'heure, je vais vous présenter des arbres phylogénétiques, où on nous présente, on nous dit, on sait très bien que tel et tel descend de tel et tel autres organismes. Mais si on fouille un peu, la base de ces arbres, où on pense que c'est venu une forme du vivant est venue d'une autre, ça n'a aucune... C'est de la pure spéculation. Donc si on regarde tout ça, on a, au niveau du monde du vivant, à un moment donné, l'apparition massive d'animaux sans qu'on puisse l'expliquer, sans qu'ils dérivent les uns des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort, très fort. Ensuite, quand on regarde dans le monde qui nous entoure, on a, à un moment donné, une destruction massive d'animaux et de végétaux. Un cataclysme majeur qui est venu perturber tout notre monde. Là aussi, ça, des fois, ça fait. Donc on a des indices comme ceci, qui vont nous faire penser que si on prend la Bible, dès le premier verset, eh bien, on peut avoir des choses qui nous donnent des indices. Mais ce n'est pas un livre scientifique. D'accord ? Donc on ne va pas répondre exactement à se dire, bah tiens, est-ce qu'à l'époque, est-ce que l'auroch était comme il était au XIVe ou XVe siècle ? Ça, on n'a pas la réponse dans la Bible. Mais on peut commencer à mener des investigations si on trouve des éléments de réponse ou des pistes. Mais quand on parle du passé, on dit attention, ça va être de la spéculation parce que souvent on ne pourra pas répéter exactement ce qui s'est passé. On essaye de remonter dans le temps, d'accord ? Et on extrapole. Attention, cette extrapolation peut être dangereuse. Si on ne connaît pas les limites de certains systèmes, et on va fausser complètement l'extrapolation. Et c'est ce qui se passe au niveau de entre évolution, changement de enfin apparition de toutes les formes du vivant aujourd'hui, et puis ces petits changements qu'on observe dans le monde actuel. Oui. Que pensez-vous de la théorie du Big Bang? Je ne suis pas astrophysicien. Donc, est-ce qu'elle supporterait plutôt une approche de l'intervention de Dieu, ou est-ce que c'est neutre, ou est-ce que c'est... Le Big Bang, ça a été... Bon, déjà, ça ne fait pas l'unanimité aujourd'hui parmi les astrophysiciens. Mais je vous dis, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas astrophysicien, je suis généticien. Simplement, si vous reprenez dans l'histoire ce qui s'est passé quand Einstein a découvert la théorie de la relativité, ça a été un choc pour la communauté scientifique du moment. Un choc. Et pour Einstein aussi. Pourquoi ? Parce que la théorie de la relativité, ça a amené la notion d'un univers qui avait un commencement. Alors qu'à l'époque, on pensait que l'univers était infini. Et donc, s'il a un commencement, ça posait beaucoup de problèmes. Et Einstein lui-même, ça l'a perturbé. Lisez ses biographies. Einstein lui-même a été très perturbé par cela, parce que ça venait bouleverser la pensée qu'il avait sur l'univers. Ça le dérangeait. Et donc, on a commencé à travailler avec l'hypothèse théorique du mouvement pour amener une explication scientifique à ce commencement de l'univers. Et donc, voilà un petit peu... Alors, je vous dis, il n'y a pas unanimité, il y a d'ailleurs de gros débats parmi les astrophysiciens aujourd'hui sur la théorie. Enfin, certains disent oui, non, enfin, moi je ne suis pas spécialiste. Mais simplement, ce que j'en retiens, c'est que avant certains travaux, on pensait que l'univers n'avait pas de commencement. On a une nouvelle connaissance scientifique qui vient, et donc on essaie de trouver une théorie, et qui colle, hein, à peu près, enfin en tout cas une certaine partie de la communauté scientifique trouve que ça colle, pour expliquer cette origine. Il faut pouvoir expliquer de façon par A plus B que l'univers a eu un commencement. Alors maintenant, comment ça s'est fait ? Il y a un super appareillage là, qui est développé du côté de Genève, pour, malheureusement aujourd'hui en panne, pour essayer d'expliquer comment ça aurait pu se faire. Mais on en est loin. Oui ? Oui, c'est que concernant le Big Bang, on a quand même construit un interacteur de particules entre la France et la Suisse pour être à 10 moins 9 secondes du Big Bang. Et puis on remarque aussi qu'ils ont montré que l'univers s'étendait et quand on regardait d'où partait, enfin, alors, l'origine, on va dire que ça venait d'un point. Voilà, l'univers est en expansion, donc on se dit forcément, l'univers est en. Enfin, ce qu'on nous présente, c'est l'univers est en expansion. Maintenant, est-ce qu'il est en tout point, est-ce que l'expansion est la même en tout point? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et c'est, effectivement, c'est le. Ensuite, c'est pour ça qu'il y a plein. C'est très controversé. Moi, je ne peux pas entrer de façon très pointue en astrophysique, mais regardez clairement, même des astrophysiciens qui ne souhaitent pas parler de Dieu ou ne défendent pas l'idée d'un Dieu créateur, ils viennent discuter et argumenter contre la théorie du mouvement. Mais il y en a une autre partie de la communauté qui va argumenter en faveur. Donc, je vous dis, c'est très controversé. Mais c'est sur la base de certaines observations qu'on pense être correctes, et peut-être que d'autres observations par la suite vont montrer qu'il faut corriger. Mais le problème, ok, Big Bang, mais d'où vient? Si on explique même que le Big Bang, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Ça n'explique pas l'origine. Pardon. Mais concernant, vous parlez peut-être de science et de Dieu, et science et Bible. Mais pour moi, c'est pas totalement la même chose, justement. Puisque vous avez cité Voltaire, Voltaire était déiste, mais pas chrétien. Donc justement, enfin, je veux dire, on peut considérer, moi personnellement, je ne crois pas en Dieu, mais je ne dis pas qu'il n'existait pas, puisque j'en ai rien. Par contre, si je devais considérer, enfin, comme vous émettez l'hypothèse de Dieu, ça ne veut pas forcément dire que je dirais oui à la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, en plus, je n'explique pas le fait qu'il y ait un architecte, mais ça ne veut pas forcément dire pour moi que la Bible, plus que notre livre religieux, dit la vérité justement à ce niveau-là. Et c'est là plutôt que j'aurais un problème, justement, parce que je n'ai jamais lu la Bible, c'est sûrement le cas. Mais il me semble que dedans, il n'y a pas comme quoi le monde a été fait en 7 jours, ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais. Non, mais à partir de là, ça a des choses qui me paraissent. Tout à fait, mais je comprends. Alors, menons une expérience ensemble. Je te donne mon adresse email. D'accord. Et puis, tu vas lire la Bible, et puis dans quelques temps, on en reparle par email. Ou sur MSN, si tu veux, une fois. Mais je veux bien faire l'expérience, et puis voilà, on peut commencer comme ça. Et il faut, voilà, menons cette expérience, et puis après, ben, peut-être dans quelques années, on fera une petite conférence ensemble pour partager ce qu'on a découvert ensemble. Hein? Oui. Et dedans, il y a une émission sur FR3, réalisée par mon collègue Copens, qui nous a parlé de l'évolution de la vie, qui a été applaudie par le monde scientifique et par le président de l'époque, Jacques Chirac, en disant que c'était vraiment extraordinaire, c'était bien fait, etc. Et j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de ce qu'on appelle le préhistorique. Je vais répondre très directement. Non. Déjà, une façon politiquement correcte de répondre à la question. Il faut regarder dans les découvertes qui ont été réalisées ces dernières décennies sur des squelettes anciens. Il faut savoir que, en termes de découvertes, il me semble que ça doit être, il n'y a pas plus de 6 ou 7 squelettes en bon état, bien conservés, qui auraient plus de 500 000 ans. Alors après, avec ça, on reconstitue l'histoire de l'homme autour du temps, sur la base de quelques observations, quelques bouts d'os qui traînent à gauche, qui traînent à droite, un morceau de crâne qui vient de gauche et de droite, et puis on nous montre une belle théorie. Dans le monde scientifique aujourd'hui, on y dit qu'il faut que les résultats soient statistiquement valides et valables. Moi, si je fais une observation que je prends un veau dans le champ d'à côté, que je le regarde et que je bâtis une théorie, on ne va jamais me permettre de publier mon papier. Jamais. C'est statistiquement pas valable. Même si j'en prenais 3-4. On part sur plusieurs centaines d'individus, voire des milliers. On fait des observations, on tient des conclusions. Donc, ce que j'en pense, c'est que si on appliquait vraiment la méthode scientifique stricte, eh bien, ces observations, à partir d'un bout d'os, qu'on nous fait toute une théorie, ce serait clairement à mettre de côté. Malheureusement, ça a la cote, et donc ça passe dans les plus hautes revues scientifiques. Alors après, de façon directe, moi, je me pose la question à l'envers, combien d'hommes préhistoriques je rencontre dans la rue quand je me balade à Paris à travers le métro? C'est-à-dire, pour vous traduire le message, quand vous regardez les différentes formes de crâne, des bouts de crâne que l'on voit, soi-disant comme préhistoriques, si vous regardez autour de vous, des fois j'ai envie de prendre des photos et de comparer certains crânes que j'observe aujourd'hui à certains crânes qu'on me présente comme étant soi-disant des hommes préhistoriques. Donc, moi j'aurais tendance à partir sur l'hypothèse de départ que les hommes si préhistoriques ne sont pas si préhistoriques que ça, et de me demander, mais qu'en est-il des méthodes de datation, etc. Comment on a déterminé vraiment l'âge de ces ossements? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient dans des couches les plus anciennes, qu'on a cru les plus anciennes, etc. Donc, il y a pas mal de choses, à mon avis, il y a pas mal de choses à fouiller à ce niveau-là, sans que j'aie forcément les moyens de le faire. Et je sais que d'autres collègues dans d'autres pays cherchent à le faire. Oui ? Alors, est-ce que par le postulat que Dieu existe, on peut obtenir le postulat que, enfin, Dieu utiliserait l'évolution pour amener à l'existence une forme de la vie? Alors, ça veut dire que il n'y aurait pas de forme. C'est ce qui pourrait expliquer qu'on n'a pas de forme transitoire. C'est un gros problème. C'est que pour passer d'une forme vivante qui a cette caractéristique à une autre, on a l'impression que ça fait des bonds. Maintenant, moi, si je me base sur, et ça va être, désolé, ma référence, qui est la parole de Dieu, telle qu'elle est donnée, la Bible, je vois qu'il y a un problème, si je pars de ce concept-là, c'est que l'évolution, elle marche comment ? L'évolution, elle marche au cours du temps par lutte pour la survie. Et c'est comme ça que je vais produire des animaux toujours plus aptes, des individus, entre guillemets, supérieurs, mieux adaptés à leur milieu. Donc ça veut dire que il y a mort des animaux, voire même mort des humains, bien avant ce que me présente la Bible comme étant l'origine de la mort dans le monde. Donc sur un raisonnement purement basique et logique tirée de la Bible, j'aurais tendance à dire non. Maintenant, il faudrait mener d'autres investigations pour ça. Oui. C'est pas lui qui disait la direction de l'évolution. Mais, vous savez, on observe, moi j'observe des modifications dans le monde du vivant. nous pouvons tous observer des modifications dans le monde du vivant. Et donc si, entre guillemets, si évolution, c'est le présent est différent du passé, oui, le présent est différent du passé. Mais attention, avec ces modifications, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas ajouter de l'information à l'ADN. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Or, pour passer d'une forme de la vie à une autre, on aurait besoin d'ajouter de l'information, on a besoin d'ajouter des programmes génétiques très bien construits, très bien constitués. Or ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas passer comme ça. Oui ? Dans l'enseignement des collèges lycées, souvent on utilise les formes intermédiaires, les étapes de formes intermédiaires, par exemple, entre différents groupes d'espèces. Et souvent on utilise ça comme preuve d'une évolution éventuelle de la vie. Je cite par exemple Archéotérix ou autre espèce. Là, on utilise ça comme preuve vraiment matérielle à l'évolution. Quelle est votre position ? Ben, je pense que ça vaut le prix. C'est le même avis que vous avez. Non, mais ça vaut la peine d'aller regarder ce qui nous est présenté comme forme pratiquement. Archéoptéryx, on a là, quand vous allez regarder de près Archéoptéryx, c'est un animal qui semble être bien fait, complet, qui n'est pas. Les plumes d'Archéoptéryx, ça ne semble pas être des plumes en devenir. Mais elles sont vraiment comme les plumes de nos oiseaux modernes. Ce n'est pas quelque chose qui est en transition. Simplement, c'est une forme d'animal qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui. Donc moi, je dis, reconsidérons toutes ces formes transitoires et regardons si elles sont vraiment aussi transitoires que ça. Alors, en plus, il y en a certaines qui posent de sérieux problèmes parce que ce sont souvent des, mais ça, on en parlait tout à l'heure, je pense, des composites entre différents fossiles qui ont été assemblés et mal assemblés, donc des morceaux de fossiles provenant d'un individu donc, et d'un autre, mais qui ne correspondent pas du tout au même fossile à l'origine. Donc, par exemple, vous avez des exemples, une queue de dinosaure qui a été assemblée avec un corps de poulet, au niveau d'un fossile. Et ça, pendant quelque temps, on l'a présenté comme forme transitoire. On a présenté des formes transitoires au niveau humain aussi, qui se sont révélés être complètement fausses. Donc, soyons un petit peu prudents avec les formes transitoires, prenons le temps de bien les étudier, et on verra que finalement, les formes transitoires, ce n'est pas des animaux à moitié faits, qui sont entièrement. Les premiers, les tout premiers dinosaures, je vais le redire simplement, les tout premiers dinosaures, ce n'était pas 10% de dinosaures, c'était déjà des dinosaures à part entière. 100%. Archéoptéryx, c'était déjà un animal avec ses caractéristiques. 100%. C'était pas un animal en devenir. C'est ça. Simplement, on pourrait très bien aujourd'hui, avec les animaux que l'on a dans notre monde du vivant, en comparant certains animaux sur la base de forme, etc., on pourrait dire, ah ben tiens, tel et tel animal, ça peut être une forme transitoire entre tel et tel et tel, et tel autre. On pourrait retrouver ça aujourd'hui. Et on serait à côté de la plaque. Donc je me demande, moi, jusqu'à quel point on n'utilise pas des animaux transitoires de façon, entre guillemets, abusive. Oui. Que ma foi constitue une limite à vos travaux de recherche. Alors je dirais au niveau éthique certainement. Au niveau éthique certainement parce que je pense que sur la base de ma foi, je ne vais pas faire n'importe quoi en recherche. Clairement aujourd'hui, on est dans toute la mouvance clonage, etc. Même si actuellement je travaille avec des gens qui réalisent du clonage. Je collabore avec eux, on mène certaines expérimentations. Mais clairement, je vois sur la base de ma foi, je vais voir certaines limites et je vais me dire, mais il ne faut pas aller plus loin. Et il faut le dire aussi. Donc ça me permet de, déjà à moi de m'ouvrir les yeux. Et donc ma foi est, moi je considère cela plutôt comme un plus pour me mettre vraiment des barrières et pour me dire, mais attention, le scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui essaye de tout faire dans toutes les directions, tout et n'importe quoi. Comme des fois certains cherchent à faire. Ou certains nous disent, mais le scientifique, finalement, il a le droit de chercher dans toutes les directions et il ne devrait pas y avoir de barrières. Donc je pense que, enfin, des fois, oui, c'est clairement, il y a des limites, dû à ma foi. Oui. Je voulais parler un peu de la volonté de Galilée. L'histoire, c'est Michel qui montre en fait que la Terre tourne autour du Soleil et que les actifs ont rendu ses attributions. Et moi, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous pensez de ce procès. Et est-ce que réellement le monde, c'est la communauté scientifique face à toute interprétation de certains écrits de la Bible, par exemple, peut facilement adhérer à la théorie de tout a été créé par Dieu. Le procès de Galilée, on le, entre guillemets, on le balance, entre guillemets, souvent aux croyants pour dire, mais arrêtez, dans le passé, vous avez condamné Galilée, vous êtes en train de faire la même chose aujourd'hui. C'est comme ça qu'on nous dit les choses, souvent que les médias nous disent les choses. Alors, le procès de Galilée, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais cherchez sur Internet vraiment ce qui s'est passé au moment du procès de Galilée. Ce n'était pas le procès de croyants contre un scientifique, c'était le procès d'un système contre un scientifique. Un système complet. Et donc, il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, moi je ne souhaite aucunement retomber dans un travers, et on n'est pas du tout dans le même cas de figure, tel qu'au moment de Galilée. Déjà, les travaux aujourd'hui concernant l'évolution, on a commencé à le voir, mais on pourrait le voir encore plus en détail. Il y en a beaucoup qui sont très spéculatifs. Ce n'est pas des observations directes où on pouvait, Galilée pouvait répéter et démontrer certaines choses sur la base de calculs. Mais de la spéculation puisqu'on parle du passé. Si on parle que du présent, alors tout ce qui est origine de la vie, là on ne pourra pas l'aborder. Et ensuite, il faut le voir de façon, donc je disais, croyant, enfin, discussion entre des croyants et des évolutionnistes. Moi, je ne vais pas faire un procès où d'autres ne vont pas faire un procès parce qu'ils croient à l'évolution. Moi, je cherche à discuter. C'est ce que je demande. Le droit à la parole et à la discussion. C'est tout. Donc, voilà dans quelle logique, aujourd'hui, je me place. Et après, sur la base de cette discussion, de ce droit à la parole, eh bien, que les gens en tirent les conclusions qu'ils veulent. C'est aux gens après de juger eux-mêmes. Oui. Sur ce qui est la base de ce qu'il vient de dire, en fait, vous avez parlé tout à l'heure de mauvaises interprétations scientifiques à partir d'observations. Mm-hmm. Mais là, du coup, dans le cas de Galilée, vous ne voulez pas revenir à ce système chrétien, catholique, je ne sais pas. Enfin, justement, C'était plus que ça. C'était pas seulement. C'était question de lutte d'influence entre. Le pape, des gens politiquement très influents, etc., qui ne voulaient pas démordre de leur système. D'ailleurs, des scientifiques aussi. Hein. On fait l'amalgame, on dit, mais c'est que le système catholique. Attention, il y avait aussi d'autres dedans. Donc, le procès de Galilée, c'est avoir. C'est pas ce que j'allais justement dire, vous parlez d'une mauvaise interprétation scientifique, et à cette époque-là, moi j'allais venir sur la mauvaise interprétation de la Bible, justement. Mais peut-être que c'était juste un intérêt. Pouvoir, on ne sait quoi, mais bon, est-ce que ce ne serait pas aussi certaines personnes ont mal interprété la Bible et du coup il y a une dénexée, ce genre de choses. Mais là justement, utilisons la méthode scientifique. Chaque fois que l'on trouve quelque chose qui ne colle pas avec les observations, eh bien, étudions-le de nouveau en détail. C'est ça. Mais faisons-le pas seulement pour ceux qui croient en Dieu et en la Bible, faisons-le aussi pour cette sacro-sainte théorie de l'évolution. Je plaide là pour la parité dans le traitement des gens, des scientifiques, des explications. Et coup de traitement. Il y avait au fond et puis après. Oui. On est éduqué depuis qu'on est enfant à se dire crois et te pose pas de questions. Mais non, je pense que. Enfin. C'est assez compliqué de se questionner. Pourquoi ? Enfin, je pense que quand on va à l'école, on est appelé à se poser des questions. On est même obligé parce qu'on est confronté à certaines choses qu'on nous raconte à l'école qui nous interpellent. Et donc, on va être obligé d'essayer de répondre. Ou alors, bon, moi, ça ne m'intéresse pas, ces questions, ça se peut. Hein. Mais toujours est-il qu'on est appelé quand même à se poser des questions, je pense. Et si vous ne posez pas de questions, posez-vous des questions, mais cherchez à y répondre en ayant toutes les données. C'est-à-dire, prenez le temps d'étudier la Bible, de la lire, de mener quelques investigations. Prenez le temps d'étudier aussi la théorie de l'évolution, ou ce qu'on nous dit. Bon, ça, il n'y a même pas besoin de prendre le temps. Il suffit de... En laissant traîner quelques oreilles, il y a à gauche, à droite, de toute façon, vous entendez tout. Mais bon, prenez le temps de vraiment regarder en détail, et ensuite réfléchissez ce que ça veut dire. Menez ces vraies investigations. Moi, je n'ai pas peur de cette comparaison. S'il y a un traitement équitable, pas de problème. Non, je ne pense pas. On ne va pas répondre à toutes les questions. Moi, j'ai plein de questions que je me pose aujourd'hui. Je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Mais j'ai des réponses à des questions majeures. Et je sais pourquoi je suis sur Terre aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un grand plus. Oui, je voulais juste revenir sur les jours de la création. Parce que, bon, le mouvement néocréationniste, comme on l'appelle, qui fait souvent sur les scientifiques, disent, oui, vous prenez tellement la Bible au pied de la lettre que vous dites que la Terre s'est créée en 7 jours et que la Terre aurait juste 6000 ans. Alors, c'est 7 jours de la création. Est-ce qu'il faut les comprendre littérairement? Est-ce que c'est une figure que Moïse a voulu montrer? Comment il faut interpréter ces 7 jours de la création? Alors, c'est une question difficile qui demande des recherches. Et des recherches, je vous dis, comme c'est tiré de la Bible répond à cette question. Vous allez lire Exode 20, verset 11, parce que le récit de la création, ce n'est pas seulement, je laisse un verset 1, le message de la Bible. Donc, commencez à lire les premiers chapitres, vous dites, mais là, il nous est parlé de jours. Alors déjà, certains disent, mais jours, ça peut être période de temps, etc. Il y a peut-être une marge de manœuvre. Là, on va étudier, mais le terme jour, quel terme hébreu est utilisé dans le chapitre 1, comment est-ce qu'il est utilisé dans le reste de la Bible, est-ce que c'est pour des jours, jours, donc alternance nuit-jour, ou est-ce que c'est pour des longues périodes de temps? On va pouvoir tirer certaines conclusions. Ensuite, y a-t-il d'autres passages de la Bible qui me renseignent sur, ou qui semblent appuyer ces premiers chapitres de la Bible? Et donc là, on va avoir quelques éléments de réponse dans l'Exode 20, mais après, on va aller plus loin. On va lire le récit de Jonas, qui nous parle aussi là de jours intéressants. On va lire après le Nouveau Testament. Et là, on va avoir Jésus qui va nous parler, qui va nous parler de Jonas, qui va faire référence, qui va nous faire référence à la fois à Jonas et à la création. Et donc, à partir de cela, on peut commencer à avoir une petite idée et se dire, mais... Ça m'embête quand même, parce que je ne vais pas réussir à faire coller, entre guillemets, la pensée scientifique du moment, qui serait des longues périodes de temps, qui pourraient correspondre au jour de la Genèse. C'est un peu ce que certains me réfèrent. mais je dois voir ça différemment. Maintenant, moi, aujourd'hui, je ne sais pas si les jours de la jeunesse étaient 24 heures, point final. Il m'est parlé d'alternance jour-nuit. Mais alternance jour-nuit, si je veux que pendant la nuit, les végétaux, entre le troisième et le quatrième jour, si je veux que les végétaux ne meurent pas tous, faites l'expérience vous-même à la maison. C'est-à-dire, essayez de placer des végétaux dans la nuit noire pendant 5 ans. Est-ce qu'ils survivent? Voilà, donc là, ça me donne aussi quelque façon de répondre. Vous voyez, je pense, là, je choisis de ne pas donner une réponse directe et tranchée, mais de vous apporter une sorte de raisonnement. Parce que beaucoup de ces questions que les gens se posent aujourd'hui, y compris dans le milieu chrétien, il y a des réponses dans la Bible, mais on ne prend pas le temps d'aller les chercher et de les étudier. Et on a besoin de voir que ça commence, la Bible, ça commence à Genèse 1, verset 1, et ça se termine au dernier verset de l'Apocalypse. Et de lire tout ça et de voir que nous dit, quelles sont les grandes lignes que nous donne la Bible, sans être un livre scientifique. Et simplement, là, sur la base de ce que j'ai dit, puisque je vais prendre position, je pense que ce sont des durées courtes qui ne sont pas des millions d'années. Et là, je m'avance. Mais c'est mon hypothèse, ça n'engage que moi. Maintenant, est-ce que je peux trouver certains indices qui me permettent de dire que la Terre est plutôt jeune? On va voir ce soir, on va étudier l'éruption du mont Saint-Hélène, qui nous parle de phénomènes relativement courants aujourd'hui, qui nous font repenser le mode de fonctionnement de notre planète, et puis qui nous font repenser certaines choses qu'on croit bien établies sur certaines méthodes de datation. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on cherche à réfléchir. On a le droit de croire en Dieu et d'utiliser sa cervelle, aussi aujourd'hui. Oui, une petite question justement par rapport à ces plans géologiques. Quand on regarde, on voit des formes de vie qui apparaissent à certains moments, qui font des lignées et des extinctions massives. Vous avez parlé qu'il n'y avait pas à la base de cette phylogénèse, on ne trouvait pas les bases, etc. Est-ce que vous ne pensez pas, si vous voyez la création, que cette création ait pu être faite par stades, la création par exemple des animaux, des plantes, par différents stades, que tout n'a pas été créé d'un seul coup? Genèse 1, c'est ça, hein. Tout n'a pas été créé au même instant, à la même seconde. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça, mais par exemple sur les animaux, qu'il y a une gradation dans la création. Alors, gradation dans quel sens chez les animaux? Ouais, par exemple, d'abord tel type d'animaux, puis ensuite, vous contestez les datations, mais si on part sur la théorie actuelle, après 3 millions d'années apparaît telle autre forme de vie. Par exemple, à un moment donné, les dinosaures, dans le coup géologique, on retrouve les dinosaures, puis après on ne les trouve plus. L'extinction. Donc, le fait créateur, pour vous, est-ce qu'il est multiple? C'est un peu cette question que vous posez. L'effet créateur multiple au cours de millions d'années? Oui. Clairement, sur la base de certaines investigations, je me base pas seulement sur ce que moi je connais, mais aussi sur des collègues scientifiques plus férus en géologie ou en archéologie ou dans d'autres domaines scientifiques. Même des astrophysiciens se sont penchés sur le problème. La question des méthodes de datation, on peut complètement revisiter les méthodes de datation telles qu'elles nous sont présentées aujourd'hui. Et donc, si on revisite les méthodes de datation et qu'on dit attention, on a de bonnes évidences pour montrer que certaines périodes ne sont pas si longues que ça, alors les millions d'années n'existent plus. Ou sont réduites à leur plus simple expression. Et donc ça fait des choses graduelles, mais dans un temps relativement court. Même très court. Je vais revenir. Vous mettez dans le même sac la datation relative et la datation absolue, ou c'est tout à fait quand même, on cite vraiment les méthodes d'interprétation absolue, qui sont les valeurs du ramenement et tout ça, qui sont quand même assez précises. Moi je peux vous citer des travaux de gens très pointus dans le domaine. Ce sera pas l'année prochaine. Je peux vous citer des travaux, je peux vous donner des références d'un groupe de travail justement qui ont mené des investigations sur les méthodes de notation et qui montrent les problèmes de certaines méthodes. Alors en plus, on parle de méthodes relatives, de méthodes absolues. Je ne sais plus dans quel topo j'ai. Justement, un article qui parle de méthodes. Ce sont des gens qui croient 100% aux méthodes de datation. Et ils disent, ils écrivent texto dans l'article, les méthodes absolues, on ne peut jamais en être sûr. Et ce sont les méthodes relatives qui nous apportent de l'information. C'est-à-dire que dégager entre différentes périodes, mais de façon absolue, on ne peut jamais en être sûr. Les méthodes absolues, c'est ça. Je parcourais encore hier soir, mais c'est quelque part sur mon ordinateur. Si vous revenez ce soir, je peux peut-être vous le trouver d'ici ce soir, et vous redonner l'article. Mais les méthodes de datation, moi, sans que je sois, en tant que généticien, sans que je sois pointu aussi dans le sujet, mais il y a des travaux très intéressants qui ont été réalisés, qui montrent les mieux. Oui, il y avait là, et puis après, moi, je me demandais en tant qu'homme de troisième de trouver trois fois au-dessus de la spécimie, en espérant que justement aujourd'hui on ait l'impression que la science parle au-dessus de tout ce qui est Dieu, foi, etc. Qu'on ait plus confiance dans la science parce qu'il y a des études, il y a des travaux de santé. Aujourd'hui, on est dans une civilisation terriblement matérialiste, où, je vous l'ai dit, on exclut tout ce qui est surnaturel. Et on ne veut surtout pas que ça vienne intervenir dans les raisonnements scientifiques. Sans le faire intervenir, de façon scientifique, on peut expliquer le pourquoi, le comment, pardon. On peut expliquer le comment des choses. On essaye d'aborder le comment des choses. Mais la science ne répond pas au pourquoi des choses. Et c'est là que, pour moi, intervient la foi. Donc finalement, ça va très bien se complémenter. La science m'apportant le comment et la foi m'apportant le pourquoi. La science ne pourra jamais me dire pourquoi je suis là. La foi, je ne vais pas mettre les deux au même niveau, je vais mettre la Bible, la foi, m'apporte un niveau supérieur à ce que pourrait m'apporter la science. La science va m'apporter des réponses purement mécanistiques, du fonctionnement par A plus B, d'une machine, comment ça peut fonctionner, de l'être humain, de le présenter tel qu'une machine qui fonctionnerait, mais elle ne va pas me dire pourquoi. Elle ne va pas non plus me parler pourquoi les sentiments, pourquoi l'animosité, pourquoi... Vous comprenez, il y a un niveau, entre guillemets, supérieur ou complètement différent, qui apporte une autre dimension. La science nous mettrait dans... Si vous commencez à voir des objets sur un plan, dimension 2, vous allez avoir une certaine compréhension. Si maintenant vous ajoutez une autre dimension, trois dimensions, alors là, vous aurez une compréhension bien meilleure de la chose. Eh bien, moi, je le vois un peu comme ça. Alors, il y en a peut-être d'autres qui vont crier que je veux dire ça, mais c'est pas grave. Soit comme ça, la foi m'apporte une autre dimension. Donc, Dieu est Dieu, il est puissant. Pourquoi tout le monde ne le partage pas et pourquoi c'est pas aussi facile, justement. Parce que l'homme est tordu, on sait très bien par l'extérieur. Moi, le premier. Et même Paul disait dans la Bible aussi, c'était le premier des tordus. C'est pour ça, c'est tout simple. Mais Dieu, justement, nous présente son message, la Bible, pour entre guillemets, nous détordre. Hein. C'est, il présente une façon de changer de vie. radicalement. Je vous présente le moyen d'entrer dans une nouvelle dimension. Oui. Oui, c'est fort. Quel élément? Oui, c'est l'élément qui permet d'affirmer que vous savez pourquoi aujourd'hui vous êtes là. Alors, je vais repasser une image. Quand je vois la nature qui m'entoure, clairement, je ne vois pas ça. Avec toutes les études et les descriptions du monde du vivant, moi je vois clairement ça. Oh, si j'arrête, ça va. Donc clairement, quelque chose dans la nature qui me parle d'un sculpteur. Tout à fait clairement. Et donc autour de moi, et même en moi, j'ai l'impression, je retrouve cette expression qui est d'ailleurs dans la Bible, qu'on est une créature merveilleuse. On est fait de façon merveilleuse. Quand on va voir l'infiniment petit, on est fait de façon merveilleuse. Et je me mets à lire la Bible et je trouve des réponses, justement, concernant celui qui a fait les choses de façon merveilleuse. Et qui m'apporte des réponses sur le passé, qui m'apporte des réponses sur le présent, qui m'apporte des réponses à mon état d'être humain bien malheureux, incapable de traiter les autres comme il faut, mais plutôt à avoir tendance à réprimer les autres pour être au-dessus des autres. Donc à faire par nature le mal. Et donc, à me proposer donc la chose suivante, c'est de changer de vie à travers Jésus-Christ. Et en ayant fait cette expérience, pour l'avoir faite, pour avoir vécu ça, eh bien, je trouve dans la Bible, dans le monde, dans la nature qui m'entoure, chaque fois que je vois l'infiniment petit, les chromosomes, moi, ça fait... C'est merveilleux comme on est fait. Et ça me rappelle qu'il y a un Dieu derrière qui guide ma vie, qui dirige ma vie. Et donc, que ma vie, c'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Et je sais aussi, ça me donne des réponses aussi pour l'avenir proche, je sais aussi, pour l'avenir, j'ai pas besoin d'avoir peur. Oui, il y a des gens qui sont terrifiés à l'idée de la mort. J'ai pas besoin d'avoir peur de la mort. Puisque je connais le Créateur, puisque je peux lire sa parole et le reconnaître autour de moi, puisque je sais qu'il est tout-puissant. Je vois tout puissant, il est bien plus puissant que tous les scientifiques. Aucun scientifique aujourd'hui n'est capable de reproduire une chose aussi bien faite de la nature. Demandez-leur de reproduire des chromosomes avec l'information stockée dessus. Ils espèrent y arriver un jour pour stocker de l'information dans les ordinateurs, mais ils n'y arrivent pas. Et etc. On pourrait parler simplement de constitution d'un être humain, avec toutes ces merveilles dedans, la pompe, le cœur qui pompe. Le sang à longueur de journée, sans s'arrêter tous. Ça nous dépasse complètement. Toutes ces réactions chimiques, biochimiques qui se passent dans l'être humain et qui sont fortes, très bien équilibrées. S'il y en a une qui est déséquilibrée, c'est la catastrophe. Il y a un équilibre qui est là. Attendez, essayez par hasard de prêter ça. Moi, ça me fait vraiment l'effet d'un waouh, incroyable. Il y a quelqu'un, un concepteur là. Et ce concepteur, je peux le connaître. Je peux discuter avec lui. Je peux lire ce qu'il me dit dans sa parole. Je peux vivre ce qu'il me dit. Ce n'est pas tous les jours facile. Mais c'est terriblement motivant pour l'avenir et pour aller de l'avant et pour continuer de marcher avec lui. Et pour essayer de travailler avec d'autres aussi. Et pour leur dire, mais attendez, à ceux qui sont désespérés dans la vie, pour leur dire, mais... quelque chose qui vaut la peine d'être vécu ici-bas. La vie, c'est pas n'importe quoi, vous, ici et puis. C'est juste pour dire, pour revenir sur ce que vous disiez, pour dire que surtout, vous avez fait la paix, on a fait la paix avec Dieu. Oui, tout à fait. Le fait de savoir que Dieu existe, de savoir que l'univers est bien agencé, c'est super, mais ça n'avance pas beaucoup, quoi. Ce qui est super, c'est qu'on a fait la paix avec Dieu. Et le Christ est venu faire la paix entre nous et Dieu. C'est surtout ça, pourquoi je sais où je vais, qui je suis, etc. etc. C'est une question que l'homme se pose. C'est que moi, je suis en paix. Et ça, ça fait du bien. Merci, vous avez rajouté ça, oui. Vous avez juste appuyé votre croyance, je vous remercie déjà. Pour moi, les gens se sont mis d'accord pour ne pas croire. Et dans les médias, ou les informations qu'on croit, ou les choses à la télévision, tout ça, ça se suit vraiment dans la vie. Donc, moi, je ne vois pas autant que tout le monde. Quel est le mal que tu as fait pour croire? Et je me demande au contraire, il y a des choses positives. C'est quelque chose qui se passe, c'est moins l'idée, comment dire, je vais orienter vers un chemin, je vais me promener, je vais me promener vers une éternité. Mais quelqu'un qui ne croit pas, qui ne croit ni à lui-même, ni à l'âme, ni à sa mort, ni à sa société, ni à son entourage, ni à la société dans laquelle il vit, je ne sais pas comment il arrive à mener sa vie. Ça doit être terriblement désespérant. Alors, on a vu dans le passé que l'histoire nous a dit ça, on nous a enseigné ça. Si on est musulman, on doit dire que nous sommes ça. Il y a la science de l'évolution, comme nous l'avons appris. Est-ce que cette science d'évolution, vous savez tout ce qu'elle a amené le monde? Elle a amené à l'adaptation. Cette science d'évolution, je ne vois pas son erreur, qu'est-ce qu'il a créé de neuf. Est-ce qu'il y a un vrai de père? Est-ce qu'il faut lire? Impossible, jusqu'à l'heure actuelle, personne et aucun scientifique ne peut créer un verre de terre ou une coulisse naturelle. Alors, donc, ça c'est pour revenir à la croyance. Donc, moi je vois que si on arrive déjà à inculquer l'idée aux êtres humains de croire aux êtres politiques, alors c'est clair, les interprétations sont différentes. Mais c'est que la société actuellement a amélioré à ce que Dieu. C'est ça peut-être le mal qui touche profondément le cœur de l'avantage de la société. Juste souligner ce que vous avez dit au début, c'est on se met d'accord pour n'apporter qu'un élément, qu'une certaine théorie. Et c'est vrai que dans le monde actuel, et je termine avec ça, dans le monde actuel, essayer de parler d'autre chose que de la théorie de l'évolution. Je l'ai expérimenté moi-même, lors d'interviews à la télévision, à la radio, ou quoi que ce soit. Si vous êtes dans un débat, on va chercher à vous faire taire et à laisser parler ce qui apporte la doctrine du moment. Mais je pense qu'il est temps que des vocations soient là pour continuer à parler et que vous fassiez remonter, que ce soit dans vos écoles, dans vos lycées, dans vos facs, dans votre milieu professionnel, auprès de vos voisins, de votre entourage, que finalement, il y a une autre façon de voir les choses aujourd'hui, qui vaut la peine d'être étudiée, et qui tient la route. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.